Entraînement. Page 47. Activité 6. Piste 37. A. C'est grand. La cour vraiment très grande. B. C'est bon. Le plat est très bon. C. C'est mince. Le livre est très mince.